Alors, les enfants, vous êtes dans la forêt et vous avez perdu votre maison. Et donc, vous essayez de la retrouver. C'est comme ça que ça commence. Victor, un loup te propose de faire la course. Il pense pouvoir arriver à ta maison avant toi. Que fais-tu? Je crois que moi, je mets une barrière sur le chemin de lui. Lui, il voulait prendre celui des bûcherons, mais moi... Il voulait prendre le chemin des bûcherons. Mais moi, j'ai mis une barrière sur son chemin. Et toi, tu prends quel chemin? Je prends celui des champignons. Super, merci Victor. Alors, Léon, quel est l'animal le plus bizarre que tu as rencontré dans la forêt? Je dis toujours une girafe comme une aile. Un dinosaure avec des petits pois. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as rencontré? Bah, il a mangé des champignons. Et toi, est-ce que tu as mangé des champignons? Non. Est-ce que t'es monté sur son dos? Non. Non. Est-ce que t'as eu peur de lui? Non. Il avait des petits pois jaunes et sinon, notre couleur, c'était bleu. Bleu et jaune. Alors, Félix, où mène le passage secret que tu as découvert? Un endroit où il y a plein de champignons et plein de dinosaures volants. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ben, ils mangent tous les champignons. Et tu l'as pris le passage secret, toi? Oui. Bah, dis en plus, c'est comment dedans? Bah, dedans, il y a plein de fruits rouges. Oh. Et des glaces. Attends. Je vais reprendre pour poser une question à Elliot. Elliot, vous rencontrez un renard qui s'est déguisé en enfant. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis si c'est vraiment un renard. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Bah, je sais pas. Il va me répondre, je suis vraiment un renard, bien sûr. Vu que tu as découvert que c'était un déguisement, est-ce que tu penses qu'il va te donner une récompense? Ah ça, oui. Et qu'est-ce que ce sera? Des bonbons. Des bonbons, est-ce que ce sont des bonbons normaux ou des bonbons particuliers? Très particuliers. Ça fait pousser des pustules rouges sur nous. Oh, c'est un renard farceur alors. Très. Victor, c'est à ton tour. Tu aperçois une maison en gâteaux et en bonbons. Crois-tu que ce soit une bonne idée d'en manger? C'est pas. Bah. Je me dis. Bah, quoi? Bon. Dis vroom piou. Bon, Victor a ramassé une voiture, hein. C'est pour ça qu'il dit vroom. Et la maison en bonbons, Victor? Ça te fait pas envie? Non, piou. Il n'a pas envie de la maison. Mais du coup, qu'est-ce que si vous mangez pas à la maison, qu'est-ce que vous allez manger pour le goûter? Des crêpes. Ouais, c'est pas mal ça. Écoute, ça me paraît une bonne raison. Hein. Alors, Léon, c'est à ton tour. Vous voulez passer sur un pont, mais il y a un troll dessous. Que faites-vous? Je ramasse un bâton et là je le cogne. Je fais bim avec le bâton. Mais il t'a pas attaqué le troll, dis donc? Oui, bah il voulait pas que je passe. Comment tu sais que tu voulais pas, il voulait pas que tu passes? Parce qu'il est pas, il est devant moi. Du coup, c'est pour ça que je peux pas passer. Ça te fait peur, les trolls? Non. Mais tu sais, les trolls, c'est très particulier. Il te laissera passer si tu réponds à une énigme. Est-ce que tu es d'accord de ne pas le taper et de répondre à l'énigme à la place? Bah, je réponds à l'énigme. Qu'est-ce que c'est l'énigme? Est-ce que tu as une idée? Ou est-ce que tu veux qu'on te la donne? Bah, je ne sais pas, moi. J'ai une idée. Tu as une idée? Vas-y, donne l'énigme. De foutre. Je n'ai pas Moi, j'en ai. Qu'est-ce que c'est, Thomas? J'ai une idée. Est-ce que toi, tu as une charade à lui poser? Ouais. Oui. Vas-y. Ma première lettre est la première lettre de l'alphabet. A. Donc j'ai un A. Tiens. Et mon deuxième est le truc qu'on met. Robot. Sur. Sur. Un sac à dos. On met sur son dos, un sac à dos. Oui. Et mon deuxième est ce qu'on met. Ton troisième. Dans les voitures pour qu'ils roulent. L'essence. Adolescence. Adolescence. Ah, oui. Oh, j'ai l'impression qu'elle a été préparée. Celle-là, je la connaissais pas. C'est moi qui l'ai fait. Ah, bravo, il arrive quelque chose pour Félix. Ah. Un géant vous offre l'hospitalité dans son château. Acceptes-tu? Tu sais ce que c'est l'hospitalité? Non. Il t'invite dans son château, le géant. Est-ce que tu y vas? D'abord, s'il répond à ma charade, bah, il pourrait venir. Donc si le géant répond à ta charade, il aura le droit de t'inviter dans son château? Je viens. Ah, mais il est trop bête, le géant, il n'y arrive pas. Est-ce que tu l'aides ou pas? Bah oui, je vais l'aider. Ma première est... Ma charade... La première de la charade est... Chat. Un chat. D'accord. Le géant hoche la tête. Hein. Il essaie de noter mentalement tout ce que tu lui dis. C'est quoi la deuxième? C'est un rat. D'accord. Et la troisième? J'en ai pas. Si. Donc... C'est pas deux? Moi, j'en ai fait avec deux. D'accord. Alors, il pense que la réponse est charade. Oui. Ah oh bah, il est super heureux, le géant. Du coup, il est super content. Du coup, il a gagné. Et du coup, il t'ouvre la porte de son château. Est-ce que tu rentres dans le château? Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire avec le géant? Je fais des jeux de société. Ça me paraît pas mal du tout. Elliot, il t'arrive quelque chose à toi aussi. Un crapaud veut te faire un bisou. Que fais-tu? Je lui dis non. Bah pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Oui, il est triste. Hein. Alors je prends une fée en plastique et je lui dis de l'embrasser. Je pense que la fée, elle est d'accord. Non, mais en plastique, c'est une poupée. Ah oui, c'est pas bête. Ah bah du coup, tu penses que le crapaud, il est content maintenant? Bah oui. Mais tu crois pas qu'il se serait passé quelque chose si t'avais embrassé le crapaud? Il serait transformé en transformant. Bah du coup, on saura jamais alors. Hé, papa! Mais je teste avec du maquillage. On dirait que la voiture, on peut la laisser comme ça. On peut appuyer. Attends, Victor, on va laisser Elliot finir l'histoire du crapaud, puis après, il va t'arriver une aventure. Bah, je teste. Alors, est-ce qu'il se transforme en... À ton avis, est-ce qu'il se transforme en prince charmant? Je pense. Que ah bah c'est super, tu l'as libéré de sa malédiction. Aussi grâce au maquillage. Alors, Victor, tu trouves des champignons aux couleurs rigolotes. Et tu as très faim, parce que je te rappelle que t'as pas mangé la maison en gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le micro, Victor? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu trouves des champignons aux couleurs rigolotes? J'ai pas faim en fait, je dis. Est-ce que tu en donnes aux autres enfants? Non, parce que ils sont gentils avec les enfants. Les champignons sont gentils avec les enfants, alors du coup tu veux pas leur faire de mal, c'est ça? Oui. Ah ouais, t'es vraiment sympa avec les champignons. Du coup, je peux poser une question à Léon? Oui. Alors Léon, un pigeon voyageur vous propose d'envoyer un message. Tu sais c'est quoi un pigeon voyageur? Non. Un pigeon, tu sais c'est quoi un pigeon? Un pigeon voyageur, c'est un pigeon, tu peux accrocher une lettre dans ses pattes et il va l'amener où tu veux. Est-ce que tu écris quoi sur la lettre? Voiture, super! Elliot. T'écris à Elliot? Oui. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je sais pas moi. Est-ce que tu préviens Elliot que tu es perdu dans la forêt? Ouais. Papa. Je vais poser une question. Je préviens Elliot que je suis perdu dans la forêt. Et tu lui demandes quoi? Que tu peux m'envoyer une lettre. Si tu vois un pigeon voyage, tu prends la lettre et t'envoies une autre lettre. Alors je crois que Victor a une question pour toi. Tu sais quoi? Il y a deux champignons chez toi. je les mange. Tu es d'accord pour qu'ils mangent les champignons? Oui. Bon tu peux manger les champignons. Ils sont bons? Ça te plaît? Oui. Et il se passe quelque chose? C'est des champignons magiques? Il t'arrive un truc? Non. Non, c'est des champignons normaux? Ouais. Bon, allez, forêt enchantée, c'est plus ce que c'était. Félix, attention. Attends, écoute bien la question d'abord. Alors, Félix, tu trouves un arbre creux? Un arbre creux. Est-ce que tu regardes dedans? Oui. Qu'est-ce que tu vois alors? Un renard. Oh! Et qu'est-ce qui se passe? Il tape. Il te tape, le renard? Oui. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Et il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être le renard qui était déguisé en enfant. Tu peux répéter, Léon, vas-y. C'est peut-être le renard qui était déguisé en enfant. Mais oui, mais pourquoi il aurait tapé sur Félix? Mais je comprends pas. Je sais. Peut-être qu'il dormait. Tu l'as peut-être réveillé. C'est ça? Non. j'ai une question. Il faut pas. Il faut écouter en silence. D'accord. Il faut. Le trou était trop gros. Il était au moins gros comme ça. Donc là, Félix a fait un petit trou avec ses mains, donc c'est plutôt un petit trou, quoi. Ben non, j'ai trouvé le trou. Donc t'as trouvé le trou, t'as trouvé le renard. Oui. Voilà, mais tu l'as réveillé et t'as mis une petite tape. Non, je l'ai pas réveillé. Mais si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais j'ai dit non. Ah bon. Ah, ne mange pas le micro, mais fais attention. C'est pas vrai. On va passer à ton frère. Alors, Elliot, à ton avis, Alors, première question, c'est est-ce qu'il y a un autre enfant avec vous, en plus de toi, Léon, Félix et Victor? Je ne sais pas. Tu ne sais pas s'il y a de... D'accord. Tu sais pas s'il y a d'autres enfants avec vous dans la forêt. C'est-à-dire que tu n'en vois pas là comme ça. Sous tes yeux, tu vois pas d'autres enfants. Non. D'accord. Pas pour l'instant. À ton avis, parmi les enfants qui sont avec toi, est-ce qu'il y en a un qui ne veut pas rentrer dans sa maison? Peut-être Léon, car son papa est très méchant. Ah, qu'est-ce que tu fais quand tu découvres que Léon ne veut pas rentrer dans sa maison? Et bah, je lui ai fait un petit lit dans la forêt, comme ça il pourra dormir dans la forêt. Ah, super! Et tu mets quoi dans son lit? Bah, à manger, à boire, tout ce qu'il a besoin pour, ce, bah, pour vivre. Est-ce que ça te plaît, Léon? Oui! Ah bah, c'est chouette, hein, finalement, ouais, je comprends qu'il ait pas envie d'entrer dans sa maison maintenant, hein. Wow. Est-ce que tu peux passer le micro à Victor? Tiens, Victor. Victor, il y a un enfant qui tombe malade. C'est quel enfant? Moi? Il a montré Félix. Félix tombe malade? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle les trois ambulances. C'est des ambulances qui parlent. Des ambulances qui parlent? Et qu'est-ce qu'elles font du coup? Il le soigne. Ah, super. Ouf. Soigne Félix. Bon, du coup, ça finit bien? Oui. Alors, Léon. Oui. Une dame avec une couronne vous demande si elle est la plus belle du royaume. Qu'est-ce que tu réponds? Je sais pas. Est-ce que tu trouves qu'elle est belle ou pas? Bah non. Tu trouves qu'elle est pas belle? Bah oui. Elle a qu'une couronne et rien d'autre. Du ah oui, d'accord, ouais. Ouais, elle est pas bien habillée, quoi. Bah, ah oui. Elle est tout nue. Ah oui, carrément, ouais. Et elle est pas belle en plus de ça. Bah oui. Et tu penses que c'est qui cette personne? Je sais pas. Pour regarder la carte d'identité. Bah, à ton avis, s'il a une couronne, est-ce que tu crois que c'est la... Est-ce que tu penses que c'est la reine? Non. Mais Elliot a une bonne idée. Il a dit qu'il fallait regarder sa carte d'identité. Bah, je regarde sa carte d'identité et je vois que c'est... Bah... Une vieille. Ah oui, oui, bah, effectivement, il y a son âge sur la carte d'identité. D'accord. Et du coup, bon, ça fait quand même beaucoup d'indices qui laisseraient penser que c'est pas forcément la personne la plus belle du royaume. Qu'est-ce que tu lui réponds du coup quand elle te demande si elle est la plus belle? Bah non. Et à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle réagit bien? Oui. Elle le prend bien. Ça lui pose pas de problème. Ouais, je suis d'accord. Après tout, elle lui a posé une question, il a été honnête. Tout à fait, c'est bien. Peut-être que t'aurais jeté un mauvais sort d'ailleurs si tu lui avais menti. C'est peut-être une sorcière, tu crois pas? Non. T'as peur des sorcières, toi? Non. Une sorcière, ça n'a pas de couronne. Ah. Et déjà, Harry Potter, c'est un sorcier, il a pas de couronne. Oh. Alors, Félix, j'avais une question pour toi. Que feras-tu quand tu seras sorti de la forêt? Bah, je mangerai des crêpes! Ah, bah oui, mais c'est vrai, on nous avait promis un goûter à base de crêpes. Bah, écoute, je vois que vous avez de la suite dans les idées, hein, c'est assez génial. Et tu mettras quoi sur tes crêpes? De la confiture de glace. Ah, ouais, ouais. Je mets de la glace. On est vraiment dans un conte de fées. Hein. Vas-y, raconte. Je mets de la glace pour la banquise. Je mets de la glace. Après, je mélange avec du sucre. Et là, ça fait une confiture de glace. De banquise. La confiture de banquise. Et c'est pas fréquent, ça. C'est toi qui la prépares tout seul? Oui. Oui. Merci, Félix. Victor a une question. Vas-y. Vas-y, pose ta question, Victor. Avec toi qui était d'accord pour que tu manges les crêpes. sais pas. Félix, là, tu es devant la crêperie. Il y a des glaces, des crêpes pour tout le monde. Tu invites tout le monde à manger des crêpes avec toi? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part des crêpes à la banquise? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme parfum? Des champignons à l'ail. Alors, on va faire un petit sondage. Elliot, tu préfères champignons à l'ail ou des confitures de glace sur tes crêpes? Ni l'un ni l'autre. Oh, dommage. Et toi, Victor, tu veux des champignons ou de la confiture? La confiture. Super. Et toi, Léon, tu veux des champignons à l'ail ou de la confiture de glace sur tes crêpes? La confiture à glace. Super. Eh bien, vous êtes arrivés devant votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Ben non, il fallait pas y aller dedans. Si, ben déjà, je rentre. C'est juste que c'est Elias qui disait que je voulais pas aller dans la maison, mais moi, je rentre. Et qu'est-ce que tu trouves dans la maison? Elle est comment, ta maison? Je trouve tout ce que j'ai besoin. Oui, mais elle est comment, ta maison? Avec plein de Lego. Ouais. Et même qu'il y a toute une chambre remplie de Lego. Juste à rabord. Je m'assieds à la place de papa. Et ton lit, il est en Lego aussi? Non. Ah. Victor, qu'est-ce qui arrive quand tu arrives devant la maison? Qu'est-ce que tu fais? C'est tout? T'es étonné, c'est ça? C'est quoi ton émotion? Étonné. Ah. Fouille. Regarde la voiture. On va demander, et comme ça terminera. On va demander à Félix. Tu arrives devant ta maison, que fais-tu? Ben, je rentre et je vois que ma maison est toute en Lego. Ah, mais c'est super. Et qu'est-ce que t'es content de retrouver dans ta maison? Est-ce que t'as un animal de compagnie dans ta maison? Oui. Ben oui, mais qui, que, quoi? Raconte. C'est un kangourou. Et il est en Lego ou pas? Un kangourou. Il est en Lego, le kangourou. Le kangourou est en Lego. Moi, quand j'entre dans ma maison, ben, je trouve un beau plateau avec plein de trucs à manger. Raconte, qu'est-ce qu'il y a? Bah, des choux de Bruxelles, de la soupe aux champignons, de la tarte, des olives, plein de choses. Et des biscuits. Il y a même des Lego à manger. Et à manger. Oui, mais en chocolat. Des Lego en chocolat? Oui. Ça veut dire que c'est des bonbons au chocolat? Eh ben, je pense qu'on peut, vous remercier d'avoir traversé toute la forêt pour retrouver votre maison. Merci beaucoup les enfants. Merci les garçons, vous allez pouvoir retrouver vos Legos. Ça fait merci un petit poussé. Au revoir. Un petit poussé. Au revoir. Au revoir.